Benjamin, tu bois du Bordeaux? J'adore le Bordeaux. Le vent des globes? Mais comment tu sais que je suis le vent des globes, toi? Ah non, c'est pas fini. On en est à la moitié, grosse moitié. Tu joues toi aussi? Tu joues Benjamin? Benjamin. Thank you. bataille pour vous. Qu'il y a deux Benjamins qui peuvent jouer ensemble, putain. C'est rare. Par contre, ils sont barrés. Hein. Je crois qu'il y a un petit problème de tempo.